chaque soir devant ma télé, je patiente pour la météo, pour savoir si le temps sera frais, ou bien s'il fera chaud, un beau soleil est annoncé, je vais enfin pouvoir prévoir toutes mes activités du samedi au dimanche soir. Du coup j'appelle quelques copains pour aller enfin pique-niquer, un bon week-end qui s'annonce bien. Depuis 6 mois qu'on l'attendait, quand soudain une trombe d'eau nous arrive sur le coin des oreilles. Mais qu'a foutu la météo? Mais où est passé le soleil? On nous prendrait pour des cons, que ça ne m'étonnerait pas. On se foutrait de notre pognon, que ça ne m'étonnerait pas. On nous prendrait pour des cons, que ça ne m'étonnerait pas. On se foutrait de notre pognon, que ça ne m'étonnerait pas. Pas de nature rancunier, je continue à regarder les prévisions de la météo, en espérant qu'il fera beau. Cette fois c'est sûr, c'est bien prévu, pas de nuages à l'horizon, les satellites sont convaincus, et l'indice de confiance est bon. Du coup j'appelle quelques copains pour aller faire un petit football, taper la balle, ça fait du bien, faucher les potes, c'est plutôt drôle. Lorsque tout à coup une averse vient mettre fin à la partie, y'a plus un seul copain qui reste. Bon bah tant pis, à samedi. On nous prendrait pour des cons, que ça ne m'étonnerait pas. On se foutrait notre pognon, que ça ne m'étonnerait pas. On nous prendrait pour des cons, que ça ne m'étonnerait pas. On se foutrait notre pognon, que ça ne m'étonnerait pas. Une fois de plus, une fois de trop, je continue à consulter le bon vieux bulletin météo et ses satellites détraqués. Il est prévu un grand soleil, les températures idéales, du jamais vu, du sans pareil, pour le week-end ça s'y au poil. Du coup j'appelle quelques copains pour aller bronzer sur la plage, un bain d'UV ça fait du bien, pas profiter ça serait dommage. Mais cette fois personne n'est venu, la météo ils y ont pas cru. Y'a juste un message pour moi, où ils me disent d'une même voix: tu nous prendrais pour des cons, que ça nous étonnerait pas. Tu nous fais perdre notre pognon avec tes plans, casse-toi. Tu nous prendrais pour des cons, que ça nous étonnerait pas. Tu nous fais perdre notre pognon avec tes plans, casse-toi.